Et puis l'enfant a été récupéré par la tante et la mère, donc elle a été, pardon, placée en garde à vue. Lundi matin, elle ne pouvait encore pas être entendue par la police en raison de sa forte alcoolémie. Oui, mais on sait, un gramme d'alcool, puis il se demandait si elle avait un permis de conduire. Je trouve ça un peu surprenant. Mais il me semble que les histoires de mauvais parents foisonnent ces temps-ci, Danny. Il y en a beaucoup, oui, tout à fait. C'est triste. Un petit peu. Ils sont plus capables, mais tu sais, c'est parce que ça prendrait un permis pour avoir des enfants. Oui, c'est pas une mauvaise idée, Danny. La police britannique, maintenant, qui roule en voiture de course, ben oui, après la Lamborghini en Italie et la Mégane RS en France, c'est la police britannique qui vient de se doter d'une Lotus pour se lancer à la poursuite des contrevenants les plus rapides. Donc, le temps où la police ne pouvait plus rattraper, ne pouvait rattraper les individus disposant de voitures surpuissantes, semble révolu. En tout cas, les forces de l'ordre outre-Manche ne se feront plus larguer, pardon, au volant de véhicules à puissance limitée. La célèbre marque britannique Lotus a en effet livré un petit bolide à la police de West Midlands dans la région de Birmingham. Un petit coupé disposant d'un moteur V6 3.5 litres, 276 chevaux. L'Evora réalise un temps impressionnant de 4,6 secondes pour passer de 0 à 100. C'est quand même une performance assez intéressante. Oui, une vitesse maximum de 260 km/h. Elle a même acquis le titre honorifique de la voiture la plus rapide de la police anglaise. Et le chef de la police, Angus Naim, non, ce n'est pas M. Wiggum, donc a confié au Daily Mail sa satisfaction de disposer d'un tel engin. Il dit que c'est une voiture très rapide et il espère qu'elle sera un moyen de dissuasion efficace pour tous ceux et celles qui seraient tentés d'essayer de les semer. Ben, tant mieux s'il est satisfait de son engin. Oui, c'est rare les gens satisfaits de leur engin. Avec sa livrée blanche à damier jaune et bleu, ça doit flasher, hein? Oui. Elle ne passera donc pas inaperçue. Elle va attirer l'attention sur les autoroutes et c'est bien l'idée. Il faut rappeler aux automobilistes la nécessité de respecter les limitations de vitesse en tout temps, a conclu bien sûr Angus Naim. Il est clair qu'avec un tel petit monstre, les fous du volant auront du mal à prendre le large. Ben oui, faisons de la sensibilisation contre la vitesse sur les routes avec une voiture ultra rapide. C'est d'une logique. Ouais, mais en tout cas, ça veut dire essaye pas parce qu'on est capable, nous aussi, d'aller te repogner. Mais à mon avis, ça dépend plus du pilote que de la voiture. Il y avait même un gars dans les rues de Québec, il me semble que c'était dans la ville de Québec. Il s'était promené en kart puis il jouait carrément avec les policiers puis il avait finalement réussi à s'enfuir. Ouais, mais un kart, c'est très rapide dans le sens. Très rapide et très manœuvrable. Et puis, il avait tourné une vidéo puis il le vend sur Internet sous le nom de Kart Vader. Allez voir ça. Allez voir et ça. Et une petite dernière avant de poursuivre en musique. Eh bien, on se posait la question si les mammouths revenaient sur Terre. Si les mammouths revenaient sur Terre. Ouais, qu'est-ce qui se passerait donc? Ben, dans le retour de l'ivoire sur le marché. Ah, sûrement. Dans Jurassic Park, film sorti en 1990, un groupe de scientifiques récupérait l'ADN d'un dinosaure pour reproduire par clonage. Aujourd'hui, la réalité pourrait rattraper la fiction avec cette équipe de chercheurs japonais qui vont tenter d'ici 5 à 6 ans de donner vie à un mammouth. Ouh là là là là, c'est un projet vraiment ambitieux. Aidé de chercheurs russes et américains, cette équipe espère recréer un embryon de l'animal à partir de cellules congelées provenant d'un animal mort depuis des milliers d'années, mais qui était très bien conservé. Les préparatifs sont achevés et puis s'ils parviennent à créer l'embryon d'un clone, il faudra alors discuter avant d'implanter cela dans un utérus à la manière dont nous pourrions nourrir le futur mammouth et de la pertinence de le montrer au public, a expliqué Akira Iritani, scientifique à l'origine de l'expérience au journal japonais. Si cette expérience est un succès, elle permettra d'en apprendre davantage sur ces mammifères disparus et sur les causes de leur extinction. Oui, mais bon, je sais pas si c'est une excellente idée de déterrer comme ça des créatures disparues, là. Surtout si c'est un éléphant géant avec des défenses abominables. Mais bon... Mais gars, on sait que les clones à date, mettons comme les clones qui ont fait tout ça, ils ont pas une santé extraordinaire à date. Ah non? Non. Je pensais que Dolly, là, puis tout ça, ça avait bien marché. Oui, mais ça marche bien, mais l'espérance de vie est moins longue, etc. Donc. Mais bon, peut-être qu'on pourrait s'en servir pour faire, je sais pas, de la viande de mammouth. Ça doit donner beaucoup de viande, un mammouth. Ça, c'est sûr que ça doit donner beaucoup de viande. Mais est-ce qu'on mange beaucoup de l'éléphant? Ben, je sais pas. Je pense que les éléphants sont en voie d'extinction à cause du trafic c'est d'ivoire. C'est plus l'ivoire. Exactement. Mais on parle rarement de la viande des éléphants. Mais je suis sûr que les fesses sont beaucoup, très tendres. Il y en a beaucoup, c'est sûr. Hein? Il y a une quantité de viande incroyable. Oui, exactement. Puis on sait que dans des pays où ils sont moins fortunés, ils vont vraiment manger, consommer la totalité de l'animal, ce qui est une bonne tout chose. Tout ce qui se mange. Donc, c'est là le lien. Un renard tire sur un chasseur. Oh là là, c'est la première fois qu'on entend ça ici. Oui, mais c'est pourtant vrai. Cela s'est déroulé dernièrement dans la région de Grodno en Biélorussie, où la chasse au renard est très, très populaire. Donc, un chasseur venait de tirer un renard. Et pour l'achever, il s'approchait de l'animal pour lui asséner un coup de crosse. Oh! Mais voilà que l'animal blessé s'est jeté sur le pauvre homme et a appuyé... Tu sais, c'est pauvre homme. Tu sais, l'autre est en train de le tuer. En tout cas... c'est relatif. Hein? Et le renard a appuyé sur la gâchette du fusil avec sa patte, tirant une balle dans la jambe du chasseur. Le renard a bien sûr profité de l'occasion pour s'enfuir et le chasseur a été conduit, lui, à l'hôpital. Donc, hein, c'est comme ça. Ben, un accident de chasse, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, puis, je veux dire, hein, c'est à lui de pas manquer son coup, le premier coup. Exactement. Moi, je l'aurais achevé avec une autre balle. Fallait pas être gratteux de même. Ouais, c'est ça. Il voulait y défoncer le crâne avec sa crosse. C'est beaucoup mieux. Branle-bas de combat en Belgique. Peut-être tu devrais y aller, Charles-André. Ah oui? On manque de donneurs de sperme. Oh non! Ben oui. Mais moi, je donnerais pas de mon sperme. Je veux pas être papa de quelqu'un que je connais pas. Ah, sans moi, savoir. J'aimerais ça me répandre partout comme ça. Une loi a changé dernièrement en Belgique qui interdit d'inséminer justement plus de 6 femmes belges avec la semence d'un même donneur. Ah ben non, hein, sinon ça appauvrit la génétique de l'être humain. Donc, ça empêche maintenant les centres d'appel aux échantillons provenant en majeure partie du Danemark. Le fait de recevoir des échantillons de l'étranger rend quasiment impossible de connaître le nombre de femmes déjà inséminées avec le même lot. On comprend. Oui. Et puis, les centres de fertilisation belges sont donc actuellement en pénurie de semences, ce qui a pour conséquence directe une attente de 3 mois, ce qui est 2 à 3 fois plus long que par le passé. La crise toucherait, elle aussi, toutes les banques. OK. Là, c'est une petite joke. On nous dit que la crise toucherait même toutes les banques, même celles où... le sperme, finalement, est en vedette. Oui. Le gouvernement va-t-il prendre conscience de cette pénurie et participer à renflouer les bourses vides? Oh! Je ne sais pas. Petite blague comme ça. Et puis, une autre, restons dans le monde coquin. Elle est très rapide. C'est un jeune homme en goguette, mais on pourrait dire ici en bobette, donc, qui s'était trompé de lit. C'est un ex-gendarme adjoint volontaire qui comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Pau pour violation de domicile et attouchement sexuel. C'est qu'un soir de 2008, il était ivre et il avait cru s'introduire dans l'appartement d'une connaissance d'un soir, OK? OK. Et puis, il s'est couché dans le lit, mais il y avait un couple qui était déjà dans le lit. Alors, il a commencé à caresser la dame qui dormait et provoquant la colère du compagnon qui s'est réveillé et puis que là, ça marchait plus. Et puis, ben là, le jeune homme, passera bientôt à fin janvier en cours. Mais ça fait quand même 2 ans que ça traîne. Mais c'est quand même une drôle d'histoire. Je trouve ça assez spécial. Il est rentré chez une fille qui avait déjà été chez eux une fois. Il y avait eu un one night. Lui, il a voulu y retourner, mais non, il y avait un couple dans le lit. Enfin, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'il y a eu. Non, on se reprendra, disait-elle. Et puis, je disais qu'on était à la dernière, on va y aller avec une autre ici. À 3 ans, il appelle la police car sa babysitter est ivre. Oh ben, à 3 ans, oui, il faut quand même être conscient de ce qui se passe. Oui, exactement. Donc, c'était les policiers écossais qui ont reçu le coup de fil inattendu le 16 octobre dernier. Donc, un enfant de 3 ans les avait téléphoné car il s'inquiétait pour sa babysitter. Il a donc attendu tranquillement leur arrivée. La femme, elle, totalement ivre, n'a pas été capable d'ouvrir la porte aux policiers et c'est le garçonnet qui s'en est chargé. Après avoir constaté l'ivresse de la babysitter qui avait bu toute une bouteille de vin, mais c'est pas tant que ça, mais peut-être pour une jeune femme, en tout cas. Ben ouais. Ils sont repartis car n'estimaient pas que l'enfant était en danger. C'est un deuxième coup de fil, cette fois, d'une femme qui les a fait revenir. Là, les policiers ont voulu amener l'enfant. La femme aurait alors jeté un verre dans la direction des policiers.

Assemblage requis, c'est dans le cadre de la programmation du Carnaval étudiant 2011. La pièce s'appelle Living for the Role. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons. Un certain midi cette semaine. Maintenant, midi 9, Charles-André, qu'est-ce que tu nous offres aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous offre de la littérature signée Henry James. Il faut savoir que Henry James est un monsieur qui avait l'air fort sympathique. C'est un écrivain américain né à New York le 15 avril 1843 et mort à Chelsea, le 28 février 1916 à l'âge vénérable de 72 ans. Wow, c'est un magnifique album que Chroméo nous a servi ici. Danny est en train de me le brandir en studio et puis il y a des photos véritablement sexy, de quoi me déconcentrer durant ma chronique. Comme un petit pain, hein? Ouais, un joli petit pain. Donc je vous suggère de vous procurer l'album si vous voulez profiter de ces belles images. Mais pour en revenir à Henry James, que je disais décédé à l'âge vénérable de 72 ans, merci, et naturalisé britannique à la fin de sa vie, il reçut l'Ordre du Mérite, une récompense fort prestigieuse. Figure majeure du réalisme littéraire du 19e siècle, il est considéré comme le maître de la nouvelle et du roman par de nombreux universitaires pour le grand raffinement de son écriture. Ayant longtemps vécu en Angleterre, il devient un sujet britannique peu avant sa mort. On le connaît surtout pour une série de romans importants dans lesquels il décrit la rencontre de l'Amérique avec l'Europe. Ses intrigues, traitent de relations personnelles et l'exercice du pouvoir qu'elles impliquent, ainsi que d'autres questions morales. En adoptant le point de vue d'un personnage central de l'histoire, il explore les phénomènes de conscience et de perception. Le style de ses œuvres tardives l'ont fait comparer à un peintre impressionniste, et je trouve que la La comparaison est très bien choisie, étant donné que ces personnages sont criants de vérité. Et les personnages du livre que je vous ai amené aujourd'hui, Le Tour d'écrou, le sont particulièrement. Mais tout d'abord, Le Tour d'écrou, il faut savoir que c'est une œuvre majeure de Henry James. En fait, en anglais, le titre original était The Turn of the Screw, et c'est paru pour la première fois en 1898. Cette œuvre courte est considérée comme un patron particulièrement réussi de la littérature fantastique en instaurant une tension du réel où le lecteur ne cesse d'osciller entre une interprétation rationnelle ou une interprétation surnaturelle des faits. Et d'ailleurs, en présentant ce livre lors de sa parution en langue française, le grand critique Edmond Jaloux, hein, Jaloux, c'est un nom bien choisi pour un critique littéraire, il écrivait « Il semble que tous les personnages de Henry James aient quelque chose de spectral, et je le dis dans les deux sens du mot. Ce sont des projections de l'esprit sur d'autres projections de l'esprit, et il y a dans leurs passions, même les plus ardentes, quelque chose de glacé et d'étrange, parfois même d'inhumain, qui tout d'un coup nous fait souvenir qu'Henry James, après tout, a été le compatriote d'Edgar Poe. » Le Tour d'écrou a été porté plusieurs fois à l'écran, dont pour la première fois par Jack Clayton en 1963, sous le titre Les Innocents. Mais bon, il y a eu d'autres adaptations pour le cinéma. Il y a eu au total 6 adaptations qui ont été faites pour le cinéma, dont une en 2003, la plus récente, Turn of the Screw, réalisée par Nick Millard. Mais il y a aussi eu 7 téléfilms sur cette histoire-là et 6 opéras. Donc, ça l'a beaucoup inspiré. Exactement. Et puis, la raison qui me porte à croire que, dans le fond, la raison qui explique pourquoi ça l'a inspiré autant d'œuvres, c'est que c'est littéralement un classique des contes d'horreur européens. Ça me rappelle énormément cette histoire qui avait été portée au cinéma avec Nicole Kidman, Les Autres, oui, qui parle d'enfants un peu spectral. Et c'est pas exactement la même histoire, c'est même très original par rapport à ça, mais j'avais quand même trouvé l'ambiance du récit et aussi par rapport aux personnages. Les personnalités sont quand même semblables, là. Et puis ça donne justement, dans les deux cas, des résultats qui sont fort intéressants. Et de quoi vous faire dresser le poil sur les bras. Un petit extrait, mon Danny? Ben, j'aimerais bien. C'est parti. Le petit jeta un grand cri aigu qui, perdu dans ce fracas, pouvait passer indistinctement, quoique je fusse bien près de lui, pour une exclamation, soit de jubilation, soit de terreur. Je sautai sur mes pieds et me trouvai dans l'obscurité. Nous demeurâmes ainsi un moment, tandis que je jetais les yeux, tout égarés, autour de moi. Je vis alors que le rideau tiré était immobile et la fenêtre fermée. « Mais la bougie est éteinte !» m'écriai-je. « C'est moi qui l'ai soufflé, ma chère, » dit Miles. Et donc, on voit que c'est pas de l'écrapou, c'est pas Jason X là, qui hache tout le monde l'aide d'une machette. C'est vraiment de l'horreur intellectuelle. Et donc, c'est un livre qui qui a un registre de langage un peu plus complexe que la majorité, que la moyenne, je dirais. Mais si on aime Edgar Allan Poe, c'est le genre. Oui, si vous aimez Edgar Allan Poe, c'est sûr que vous allez être conquis par ça. Mais pas obligé non plus d'être un fanatique du genre fantastique et pas non plus obligé d'être un grand fan de littérature pour être capable d'apprécier les bienfaits de ce roman. Donc, Le Tour d'écrou par Henry James, je vous le recommande. Merci Charles-André. Maintenant, en musique. En musique, pour poursuivre la chronique du rock alphabétique, on est rendu à la lettre B et je vais vous passer une pièce des Beatles. On pourrait commencer par aller l'écouter, oui, et je vous en parlerai. Ensuite, il s'agit de la pièce Rocky Raccoon. Profitez-en. Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hitting young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin, he said, "Danny boy, this is a showdown." But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. And proceeded to lie on the table. He said, "Rocky, you missed your match." And Rocky said, "Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able." And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt to help with good Rocky's revival. Oh yeah, yeah. Come on, Rocky boy. Hey, hey, Rocky Raccoon, pour les amateurs des Beatles. Une pièce magnifique, vraiment très folk, je trouve dans les lignées des grandes chansons folk, telles qu'en faisait Bob Dylan, par exemple. C'est moi ce qui a fait connaître les Beatles, par contre. Oui, exactement. Mais moi, c'est ce que j'ai bien aimé, justement, de ta pièce, d'amener une pièce qu'on n'entend pas tout le temps des Beatles. Exactement, mais j'ai parfois un côté un peu comme ça. Puis sinon, je suis radicalement à l'inverse, comme j'avais c'est amené... C'est ce que je m'en allais dire. Une pièce d'AC/DC au début de la session, puis j'ai même pas amené une pièce de Bon Scott, j'ai carrément... amener Thunderstruck direct en partant. Exact. Comme ça, c'est réglé. Puis enfin, je vais pouvoir faire passer du Bon Scott tant que je veux. Mais le fait est que Rocky Raccoon, c'est une de mes pièces des Beatles préférées qui ne se trouve pas sur Sgt. Pepper. C'est-à-dire, Sgt. Pepper, toutes les pièces, je les adore parce que je suis particulièrement attaché à cet album-là. Mais sur le White Album, on trouve vraiment une variété de styles musicaux qui est assez impressionnante, ce qui donne justement un peu place à la fois la critique et l'appréciation, dans la mesure où est-ce qu'ils se sont à la fois fait reprocher cet excès de diversité-là, mais aussi se sont fait féliciter pour la réalisation. Parce qu'ils ont vraiment inspiré beaucoup avec cet album-là, parce que si t'aimais pas une, mais t'aimais l'autre, puis c'était ça qui t'inspirait pour partir peut-être un ben vis-à-vis cette pièce-là, par rapport à cette pièce-là. Exactement. Donc c'est pour ça... J'ai toujours soupçonné, même s'il n'y a aucune théorie officielle par rapport à ça, que les Beatles avaient voulu faire un peu une anthologie des différents styles de musique rock qui s'étaient développés depuis le début de leur carrière, puis d'en mettre un peu tous les genres, comme Back in the USSR, qui est un peu comme les Beach Boys, mais en plus heavy, ou par exemple Rocky Raccoon, qui fait justement un peu Bob très Dylan, folk, chanson à texte très folk... Donc, puis justement, il y a toutes sortes de genres de pièces. Il y a même Helter Skelter qui est heavy, presque métal, probablement une des premières pièces véritablement métal de l'histoire, dépendant du point de vue de l'auditeur. Tout à fait, là.

Peut-être qu'elle utilise plus que ça même et on utilise seulement une partie de chaque crayon en moyenne. Puis après ça, à la fin, quand tu les additionnes, tous les bouts qui restaient, ça fait 730. Je sais pas. Moi, je me rappelle pas d'avoir joué tant que ça avec des crayons. Moi non plus. Dessiner tant que ça. 730, me semble que c'est énorme. C'est un grand... Mais c'est en 10 ans. Ouais. Quand même, 10 ans, c'est long. Ouais, mais si t'achètes un paquet de 25 par année, mettons, ouais, t'en as masse. À l'école, t'en as besoin aussi, donc... Ouais, ouais, j'avoue. Mm-hmm. Walt Disney n'a jamais permis à l'actrice qui jouait Blanche-Neige de faire un autre film. C'est... Tu savais ça? Ouais, c'est décevant, ça. Décevant. L'actrice Adriana Caselotti n'a même pas reçu un crédit pour son apparition dans le film Blanche-Neige et les Sept Nains. Cette tactique-là, ce n'était pas une forme de cruauté de la part de Walt Disney. Est-ce que tu pensais que c'était ça? Je pense encore que c'est ça. Tu penses qu'en... Non, je vais te l'expliquer un petit peu. Disney croyait que l'illusion de Blanche-Neige serait gâchée si le public savait que l'actrice avait fait sa voix. Caselotti était sous contrat avec Disney Studios, donc c'était quand même son droit de faire ce choix-là à Disney, le choix de l'empêcher de faire d'autres choses. Blanche-Neige était le premier film animé produit par Walt Disney aux États-Unis, ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas de précédent avant ça sur comment traiter les acteurs de voix, ceux qui font les voix dans des dessins animés. Donc, Walt avait un argument logique, disait-il, en pensant que les acteurs de voix de dessins animés devraient rester dans l'obscurité pour préserver la magie derrière les personnages. Voilà. Cool. Intéressant. OK, quelques petits rapides. On va se dépêcher. En filmant le film Scream, tu sais, le... Ouais, Frisson. Wes Craven n'arrêtait pas de raconter à Drew Barrymore de vraies histoires, de vraies cruautés animales pour la faire pleurer, pour qu'elle ait peur des histoires d'animaux, de cruautés. Bizarre. Histoire véridique. Peut-être un petit truc entre les deux. Ah, oui. Pour l'aider, en fait, là. Ben oui, mais c'est ça, exactement. Exactement. Peut-être que c'était... c'était peut-être comme ça au lit aussi, on sait pas. Non. L'histoire là du pomme, c'est ça. Et puis, non, ben c'est tout. On garde le reste pour demain. Voilà. C'était un fait. C'était un fait. Ça va être mélangeant entre mon émission C'était fou, jeudi 13h, et la chronique C'était un fait. Hein. Parce que oui. Je pense que tu t'es déjà trompé une fois avec ça, mais on m'en parle. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Plongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Oui, par exemple, on va aller avec une nouvelle assez rock, mais en même temps, pas rock du tout. C'est surprenant comme introduction, je suis tout oui. Oui, c'est peut-être que tu en as entendu parler hier dans les différents bulletins de nouvelles, on en parlait. C'est la pièce Money for Nothing qui fait parler après 25 ans des Dire Straits. Tu connais la pièce Money for Nothing? Non, pas vraiment. Je connais Dire Straits, mais je connais pas leur pièce, malheureusement. Ah, ben attends un peu, je vais aller te la chercher. Ça vaut la peine pour vrai, parce que tu vas tout de suite dire, ben oui, je connais ça, ça c'est clair. Donc, mais c'est sur quel album? Je sais pas. L'album qui a une genre de guitare en métal, là, l'album bleu avec une guitare en métal. Bon, ouais, je l'ai chez nous. Donc, c'est en plein lui. Donc, on va y aller avec Money for Nothing. On a-tu le vrai vidéo? Oui, il est ici. On va aller voir. Peut-être est-ce le bon. On va aller écouter la pièce pour vous rappeler. Tout le monde connaît ça quand même. Oui. Bon. Ouais, une excellente pièce d'ailleurs. Moi, je te dis, c'est la pièce la plus connue de Dire Straits. OK. Et puis, ben c'est ça. Cette pièce-là fait parler, donc, au Canada. Faut que je retrouve mon article, par exemple, parce que là, en cherchant, je l'ai... OK, ici. Oui, donc, cette pièce... Écoute, si on écoute... On va écouter. S'il y a des choses qui te choquent, tu me le dirais. En tout cas, ce qui arrive, c'est que cette pièce sortie en 85, cette compo fait partie des nombreux hits de la décennie, et du groupe, bien sûr, mené par Mark Knopfler plusieurs années. Eh bien, c'est un citoyen lambda qui a déposé une plainte au CBSC. Et puis, c'est ça, c'est une auditrice canadienne, le Canadian Broadcast, dans le fond, c'est le CRTC. Oui. Hein, si vous voulez le savoir. Et puis, donc, qui a décidé d'interdire la diffusion de la chanson dans sa version originale. Et pourquoi? Ben, je me le demande bien. Il me semble que, justement, c'était un international super hit. Il vient de le dire. The Little Faggot. As-tu vu, tu viens d'entendre ça? Oui, oui, oui. Eh bien, c'est à cause de cette phrase tellement homophobe. Oh non! Shame on you, Mark Knopfler. Aïe, aïe, aïe. J'en pleure déjà. Ridicule. À cause qu'à deux, trois reprises, il dit « That little faggot ». Et on sait, Faggot, Tapette. Tapette, oui, exactement. Et puis, c'est une chanson rock. Mais je veux dire... On peut-tu dire ce qu'on veut? Il y a des choses bien pires que ça, des fois. Je pensais que le contenu des chansons était protégé par la loi. Je pensais que... C'est la liberté d'expression qu'on appelle. Exactement. Je pensais que c'était protégé, ça. Il ne devrait pas avoir le droit de revenir là-dessus. Et puis, de toute façon... 25 ans après, en cite, plus. Je cite le procès qui a été fait à Judas Priest par la famille à James Vance. Oui, oui. Là, cette histoire-là dont j'avais parlé précédemment durant la session. Quand le procès a commencé, la première chose que le juge a dite, c'est la chose suivante. En fait, on se demandera pas si les messages dans les paroles des chansons de Judas Priest sont sujets à controverse parce que les paroles de chansons aux États-Unis sont protégées par la loi sur la liberté d'expression. C'est de l'art. Et ce qu'on va chercher à comprendre ici au procès, à savoir, c'est s'il y a des messages subliminaux, c'est-à-dire des messages cachés à l'auditeur dans les pièces. Et il a été prouvé que non. Et donc, si ici on est d'accord, il n'y a aucune forme de message subliminaux, là, c'est vraiment juste le propos qui choque. Ben, ce propos-là, je m'excuse, il est néanmoins protégé par la liberté d'expression. À ce compte-là, aller sculpter les pénis puis les seins qui dépassent sur les statues, aller tout couper. Là. Ouais, mais tu savais qu'il y avait des peintures de la chapelle Sixtine qu'on avait habillées. Ben, je sais, puis plein de sculptures aussi qui ont été finalement châtrées. Émasculées. Émasculé, châtré. C'est belle nouvelle pour montrer comment avec les Canadiens, des fois, on peut être épais. Ouais, mais pas juste les Canadiens. Hein. Je pense que tous les êtres humains sont soumis à ce risque-là d'être trop prudes et puis de juger avec excès. L'excès de morale, ça cause beaucoup de tort parce que l'excès de morale, ça floue la frontière de ce qui est vrai ou pas. Comme là, par exemple, justement, les peintures ou les sculptures dont on a enlevé le sexe là, dans les musées ou dans les chapelles, là, ça cache la vérité. La vérité qui était qu'il avait été fait comme ça, il avait été designé comme ça. Excusez-moi le terme anglophone, mais le fait est que l'excès de moralité, ça rend flou la frontière entre la vérité puis le mensonge. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que ça peut nous faire oublier l'histoire. Qui on est? Exactement. Et l'histoire, comme tu le dis, l'histoire, la culture, c'est l'identité d'un peuple. Et si on perd notre identité, on n'est plus personne. Donc, ce méchant, Mark Knopfler, a traité justement de Tapette en français. À plusieurs reprises, on nous dit à trois fois, c'est homophobe. Moi, je trouve que les phrases sont très drôles. Il dit « The little faggot with earring and the makeup ». Donc, « with earring », pardon. Après « That little faggot got his own jet airplane ». Après, « That little faggot is a millionaire ». Mais il parle de qui? Ben, de la petite Tapette. OK, mais il y a... Ben, c'est le propos dans la chanson. C'est comme un personnage. Ben oui. Il attaque même pas quelqu'un en particulier. Ben non. C'est... Non, je pense qu'il y a vraiment un excès... Et je pense qu'il parle, il chialait un peu « I want more » in MTV. Il parlait un peu, c'était la nouvelle génération un peu. Peut-être que c'était les le regard... pop. Exactement, c'était peut-être le regard justement du rocker sur la musique pop aujourd'hui. Et puis, il traitait peut-être ses nouvelles petites... star de la pop. Là, c'est une bonne femme, là, une bonne femme du CRTC, là. Ben, c'est elle qui a fait la plainte. C'est pas au CRTC. Le CRTC, ben, eux ont entendu la plainte. Le conseil ne s'est pas fait attendre et ce dernier a rendu sa décision dans un rapport long de plusieurs pages dans lequel il déclare que certains termes ne sont aujourd'hui plus acceptables. Dans les années 80, justement, le texte de Money for Nothing avait déjà été au centre d'une controverse et jugé sexiste, raciste et homophobe. Knopfler avait à l'époque reçu une plainte du rédacteur en chef d'un magazine gay, basé à Londres, et le titre avait été diffusé dans une version différente. Faggot avait été remplacé par Mother, OK? En 85, le chanteur avait tenté de clarifier les choses en expliquant son intention. Dans le texte de la chanson, c'est un employé d'une boutique d'équipement pour la maison qui envie et critique certaines stars de la musique pour leur vie facile en s'exprimant « Money for nothing and a chick for free ». De l'argent facile et des filles sur un plateau. Knopfler a utilisé le terme « faggot » pour critiquer ces fainéants de la musique et non pas les membres de la communauté gay, lesbienne, transgenre, etc. Pour coller au registre de la langue que pouvait utiliser un employé lambda usé par son travail et opposé au star system dans les années 80 et rendre le texte plus vivant et réaliste. C'est ce que je dis, c'était plus une critique parce que lui, les bonhommes qu'on voyait en 3D, c'était fait comme en 3D, ça. Oui, oui. Eh bien, c'était des employés cucu, là, tu sais, je veux dire, de classe... sous-moyenne presque. Et puis c'est ça, Guest, c'est exactement comme il l'avait expliqué. Il chiale après ces petites tapettes-là qui ont la vie facile. Le message de la pièce est excellent. La façon dont le message est livré, que ce soit au niveau des choix de paroles ou de la musique en tant que telle, c'est irréprochable. Puis je pense que la bonne femme qui a fait une plainte au CRTC, elle devrait peut-être faire l'amour un peu plus souvent. Oui, peut-être. Et puis comme dans la, on le critique, et puis même dans le langage de tous les jours, souvent on veut utiliser le mot tapette et ça n'a rien rapport avec l'orientation tapette, sexuelle. C'est quoi? C'est une petite tape. Oui, non, mais même à ça... Une toilette, c'est comme une petite toile. Oui, mais non, mais moi je te dis le mot tapette pour vrai, tu vas l'utiliser. Ah, que c'est tapette, c'est tu regardes même pas l'orientation sexuelle de la chose. Ça va être quelque chose qui est un peu nana, un peu rose bonbon. Exactement. Pour moi, le mot tapette ne désigne en rien les homosexuels d'aucune façon que ce soit, mais vraiment plutôt les gens qui ont un manque de virilité. Exactement. Puis où les trucs qui sont cucu, faiblards. Ou les choses qui... Exactement. Les trucs qui sont trop fragiles. Par absence de virilité, c'est un peu ce que je voulais désigner. Oui, je sais, mais je veux... C'est parce qu'on jongle avec les mots un peu, hein? Ben, comme eux, ils ont fait, finalement. Exactement. On nous apprend aussi que le guitariste du groupe, Guy Fletcher, donc, a immédiatement réagi en déclarant que le Canada, donc, pouvait se mettre à censurer 75% des disques jamais sortis, et qu'il s'agissait d'une perte de temps, rappelant par ailleurs l'erreur du CBSC ou du CRTC, d'avoir omis la contextualisation des paroles pour terminer l'affaire depuis son interdiction. Money for Nothing a tout de même été entendu vendredi dernier sur des stations canadiennes Cool FM, K97, en boucle pendant une heure en signe de protestation. On devrait la faire jouer aujourd'hui, Danny. Tout à fait. Et puis, ce qui est une autre bonne chose, c'est que ça remet au goût du jour cette pièce qu'on avait peut-être oubliée pour les plus jeunes. Ben oui, exactement. Moi, j'ai découvert Dire Straits assez récemment. Le guitariste de mon groupe est arrivé. Il m'a dit, moi, je veux jouer une pièce de cet album-là, de ce groupe-là. On s'est mis à écouter ça. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de pièces du groupe que je connaissais déjà. C'est juste que j'avais jamais fait le lien. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Veux-tu sortir avec Mathieu? Non. La chronique, c'est « Veux-tu sortir avec moi? » C'est ça? C'est ça, oui. C'est ça que j'ai dit? C'est pas Mathieu, t'as dit Mathieu. Mais c'est ça, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Moi. Ah, ok, j'ai de la poignée. Émilie Gauthier qui est avec nous un petit peu plus tôt que d'habitude. Maintenant, ça va être les mardis vers les 8h au lieu de 8h30. Avec ta collègue plein air, veux-tu sortir avec moi? Et là, tu nous reviens avec ton concept d'endroit où aller, mais avec un thème autour de ça. Oui, bien, dans le fond, la session passée, c'était peut-être plus les lieux de marche automnale. Mais là, on tombe à l'hiver, donc j'ai essayé de plus de trouver des lieux de marche hivernale et des lieux de marche avec raquettes. Mm-hmm. Des fois, s'il y a des lieux qui peuvent se joindre aussi au ski de fond, je vais l'indiquer. Mais sinon, je sais que la raquette, c'est quelque chose qui gagne beaucoup, beaucoup en popularité. Fait que je vais essayer d'aller encore vers des lieux de marche en bottes et à raquette. Parfait. Donc, commençons avec le domaine de la forêt perdue. Oui, ça se peut, je répète, des certains endroits, mais des fois, les tarifs changent, les heures d'ouverture changent, les attraits changent. Donc, je sais que domaine de la forêt perdue, j'en avais déjà parlé, mais côté raquette, c'est autre chose. Donc, il y a des sentiers en labyrinthe qui permettent de se promener à travers la forêt. Oui, mais c'est pas en patin? Oui, mais tu peux le faire à la marche aussi. Ah oui? Oui. Ah, OK, je sais pas. Oui. Tu vois, t'en apprends des choses dans la chronique, hein? C'est, dans le fond, c'est 10 sentiers, 10 kilomètres de sentiers débutants hors piste. Donc, c'est préférable d'y aller avec des raquettes. OK. Voilà. Okay. C'est... Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi genre un circuit de patins, là. Mais... Okay. Très belle place, hein? Tu peux nourrir des animaux, tu peux avoir du plaisir, c'est pas interdit. Ah. Wow. Avec les animaux, ça fait louche comme phrase. Ouais. Non, ok, je m'excuse. Même sans les animaux, je c'est pas. Louche. Ouais, fait que de préférence, c'est un lieu à aller avec ses raquettes ou avec ses patins à glace. C'est ouvert de 10h à 22h. C'est 12$ pour un adulte ou on peut se procurer un produit de la ferme de miel ou d'érable et ça nous donne une entrée. C'est génial, ça. C'est le meilleur des deux mondes. Mais oui. Anna Montana, etc. Tu manges, puis t'es dehors. Oui. C'est ça. J'ai pensé à toi, Mathieu. Anna Montana? Oui.

Parfait. Big is beautiful. Donc aujourd'hui... Aujourd'hui, on est mardi, comme je disais tantôt, et je vais vous présenter un film qui traite de la culture rock and roll. Est-ce que ça vous plaît? Ben oui, ça nous plaît. Peut-être pas autant qu'un dessin animé, malheureusement, mais bon, tout de même, ça va être très intéressant parce qu'aujourd'hui, je vous présente un film mettant en vedette Johnny Depp, qui est mon acteur préféré, je ne le cacherai pas. C'est peut-être pas très original d'avoir Johnny Depp comme acteur préféré, mais il est si talentueux. Ben, puis t'as le droit, hein? Oui, exactement. Plus, et puis, c'est d'un film qui est moins connu là, que je vais vous parler aujourd'hui. Je pense que je sais de quoi tu vas nous parler. Ah oui, tu penses. Et puis, on sait qu'il a beaucoup travaillé avec Tim Burton, Johnny Depp, et c'est un des films qui a convaincu Tim Burton de l'engager. De finalement. L'engager, exactement. Donc, c'est un film très important dans sa carrière. C'est un film qui est paru en 1990 et qui, parfois, à certaines occasions, laisse croire qu'il parodie le film Grease. J'ai nommé Cry Baby. Et c'est ça, je pensais. Ouais, exactement. Très 50s. Très 50s. Ah oui, on ne peut plus 50s. Et là, je ne parle pas de la célèbre pédale wah-wah inventée par M. Jim Dunlop. Je parle bien du film qui est une comédie musicale réalisée par John Waters. Et comme je vous le disais, c'est sorti en 1990, deux ans après une tentative un peu moins fructueuse qui s'était nommée Hairspray. Et donc, Grease, Hairspray, et puis ensuite de ça, Cry Baby. Je pense que Cry Baby est une parodie de Grease qui est beaucoup mieux réussie que Hairspray, en ce que elle n'est pas seulement qu'une parodie, c'est aussi un film en soi, là, bien complet, avec une atmosphère qui lui est très propre. Et cette atmosphère-là, pardon, je la décrirais comme étant redneck. Tu comprends ce que je veux dire par là? Parce que, bon, dans les années 50, il y avait deux types d'adolescents typiques. Il y avait les square, qui étaient plus les gens religieux et rangés et sages, qui chantaient de la belle petite musique tranquille et à la mode. Et il y avait les drapes. Les drapes, qui étaient les rockers des années 50. Il y avait des hot rods, des muscle cars. Ils mettaient des côtes en cuir. Ils se tenaient en gang. Puis, ils étaient tough comme la les lettre rebelles. T. Oui, c'était des rebelles. Et puis, c'est un peu ce qui est mis en scène dans le film, le contraste entre ces deux mondes-là. Et puis, tu sais, les drapes sont souvent même appelés simplement délinquants juvéniles ou des choses comme ça. Et puis, il y a vraiment... comment je pourrais dire ça? L'esthétisme de John Waters qui vient rendre ça totalement spécial, déjanté original. Un peu, c'est bizarre. Déjanté, c'est bizarre, c'est psychédélique et c'est très, très original. Parce que John Waters, c'est un réalisateur qui a quand même été presque... identifié, tagué, bizarre, tagué, psychédélique à cause de ses nombreux films qui ont toujours presque cette saveur-là. John Waters, il est né le 29 avril 1946 à Baltimore, au Maryland. Et c'est d'ailleurs à Baltimore, au Maryland, que se déroule l'histoire de Cry Baby. C'est un réalisateur et aussi un acteur américain et également professeur de cinéma. On a pu le voir d'ailleurs dans le film Big Fish par Tim Burton, oui. La légende du gros poisson, qui est un film que j'adore. Oui, très bon film. Excellent film que je trouve qui est très, très créatif et original. Ça m'a beaucoup plu. De toute façon, je suis un fan fini de Tim Burton. Et puis, comique et bizarre, à la limite de l'outrance, John Waters aborde sa matière de création sans retenue. On voit qu'il ne s'est jamais mis de barrière. Et c'est peut-être ça qui fait que ce n'est pas un des réalisateurs les plus mainstream là, dans Hollywood. Non, ce n'est pas un film mainstream, Cry c'est Baby. Pas un film mainstream. C'est trop bizarre pour ça. Exactement. Et John Waters n'est pas non plus un réalisateur mainstream parce que ses films sont un peu trop bizarres. C'est néanmoins un excellent réalisateur qui nous sert dans Cry Baby un portrait de la jeunesse des années 50 dans un teen movie totalement déjanté. En fait, les acteurs principaux, à part Johnny Depp, sont Amy Locane petit blanc manque de documentation. Donc, Johnny Depp, je disais Amy Locane, Susan Tyrell, Polly Bergen, Iggy Pop, qui ne chante pas ici dans le film, mais qui exécute un rôle là, d'oncle un peu sauté qui est tout à fait adorable. Et donc, ce qui est intéressant de ce film-là, Cry Baby, c'est qu'on voit vraiment, comment je pourrais dire ça, à quel point les années 50 ont influencé le style, le mode de vie des adolescents d'aujourd'hui et d'autrefois. Par exemple, on prend Grease, c'est un revival des années 50 dans les années 70. On prend ici Crybaby, c'est un revival des années 50 dans les années 90. On a juste à prendre les Stray Cats qui ont commencé à faire de la musique des années 50 dans les années 70. Alors, je pense que les années 50, c'était le début avec Elvis Presley et le blues joué par les Blancs. Vraiment le début de ce qui allait devenir le rock and roll. Ben, c'est très la période américaine, l'âge d'or américaine où tout allait bien, c'était fast. Exactement. On avait de l'argent. On avait fini on sortait de la guerre. Exactement, on sortait de la guerre. On avait tous une grosse voiture, on allait manger au drive-in. Exactement, et on sait que la Deuxième Guerre mondiale a beaucoup contribué à industrialiser les États-Unis, ce qui fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde avait des jobs, tout le monde avait de l'argent, tout le monde avait des entreprises, et donc c'était un peu même un genre de retour des années folles. Oui, c'était les années folles. Puis tout ça pour dire qu'il y a eu une culture de la jeunesse qui s'est développée dans ces années-là, mais qui a vraiment pris tout son sens en évoluant durant les années 60. Et pour finalement ne plus beaucoup changer après les années 70, hein. Depuis Woodstock 69, je pense pas qu'il y a eu de changement majeur dans les mœurs des jeunes, dans la mesure où on est encore en jeans puis en t-shirt à se rassembler dans le gazon pour écouter des concerts rock, là. Peut-être que la musique a un peu évolué, les goûts ont un peu évolué, même le... Maintenant, c'est un petit peu plus plastique, là, un petit peu plus... Mais on peut encore trouver des choses authentiques, Il y en a, mais je parle, avec, si je te dirais, le mainstream. Mais avec l'accroissement de la population sur la planète, on a vu aussi une espèce d'éclatement, là, des genres, là. Si tu veux trouver des gens qui font du rockabille authentique, tu peux en trouver. Il y en a même qui en font en français, on a juste à prendre les mal léchés. Et donc, justement, la culture de la jeunesse dans les années 50 est vraiment le point de départ de la réalité des jeunes qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, si on veut expliquer les événements présents, il faut se retourner vers le passé. Et pour ce qui est d'illustrer la culture des années 50, je crois que Crybaby réussit là où Grease avait échoué, parce que Grease, c'est à la base un film disco. Tandis que Crybaby est vraiment un film rock, rockabilly, rock and roll, malgré toutes les bizarreries qu'on y trouve. Moi, je trouve de toute façon que ces bizarreries-là ne font que rajouter un charme incommensurable mais à la Grease, production. Grease, c'est pas très disco, moi, je trouve. Oh, ben, ça dépend. Ça dépend à quoi. Tu le réécouteras, là. Mais c'est sûr qu'il y a des pièces comme quand ils sont dans le garage puis ils taponnent le char, c'est plus rockabille. Mais en général, là, parce Grease si tu veux, is the word. L'icône des films disco, eh bien, c'est Saturday Night Fever. Exactement. Et le top des tops. Il n'y a rien de mieux que ça. Oui, exactement. Mais t'écoutes Grease is the word that you heard. Non, il y a certaines pièces qui sont plus à la saveur disco parce qu'à l'époque, exactement, on voulait attraper le monde. Mais je pense que même dans Crybaby, il doit y avoir des pièces qui sont un petit peu plus 90 quand même. Juste par... pas nécessairement les pièces, mais mettons au pire la pièce de générique ou la pièce de... Je dirais que, ben oui, mais c'est la saveur des productions des années 90. Ben c'est ça que je veux dire. Mais au niveau du style, on est resté plus fidèle, je trouve, que dans Grease. Puis c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et bon, rajoutons à ça le côté éclaté, le côté déjanté. Ça fait un film qui est d'une profonde originalité et qui est intéressant à écouter et aussi à réécouter. Et à voir, parce que esthétiquement, à l'œil, c'est spécial. Oui, on a vraiment réussi justement l'esthétique des années 50. Les voitures ont été soigneusement choisies et les coiffures ont été soigneusement exécutées. Et puis, il y a des performances d'acteurs assez solides, comme cette Hatchet Face... qui est joué par Kim Maguire. Ça a vraiment lancé sa carrière et c'est d'une femme d'une laideur incomparable. Et puis justement, elle a la gueule qu'il faut pour jouer dans ce film-là. Mais aussi, j'ai trouvé ça très drôle puis très attachant. Toute l'atmosphère redneck, c'est vraiment là pas dedans, assis sa botte de foin avec le 12 puis la guitare. Là. J'ai adoré ça. Et donc, peu importe la raison qui vous fera aimer Crybaby, je vous assure que vous allez adorer ça. Et c'est disponible dans tous les clubs vidéo, oui, en fait. Peut-être même sur Cinépop, des fois. Tu sais, des films, t'sais, genre Prise 2, pis des trucs comme ça. Ça peut rejouer. Là. Oui, exactement. Et donc, un film qui vient de fêter ses 20 ans et qui a très, très, très bien vieilli, pour ne pas dire pas vieilli du tout. Et donc, Johnny Depp, qui est encore brillant aussi là-dedans. Ne vous en privez pas. Merci, Charles-André. Tu communiques ta joie. Et puis maintenant, en musique, qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter. Bon, ben c'est la poursuite de la lettre B dans la chronique du rock alphabétique. Et après les Beatles, on trouve... Black Sabbath. Naturellement. Et j'aimerais ça que tu me mettes la pièce numéro... Numéro. On était comme si les gens ne savaient pas qu'on cherchait. Donc, quelle pièce? C'est la pièce numéro 6. Il s'agit de Hand of Doom. Appréciez cette pièce parce que c'est du Black Sabbath, comme vous l'avez rarement entendu. Et c'est parti. Restez sur les ondes du 89.1. On est avec vous jusqu'à 13h. Il reste seulement une petite demi-heure. Là. On laisse la place à Black Sabbath. Merci, Charles-André. Merci à toi. Gonna do. Time's caught up with you. Now you wait your turn. You know there's no return. Was the bomb? spinning round. Fall down to the ground. Feel your body heave. Death and stars do we hear. La formation Black Sabbath avec la pièce End of Doom, une pièce anti-héroïne. Alors, on sait que les membres de Black Sabbath sont de puissants drogués, mais ils ont quand même fait plusieurs pièces avec des propos qui étaient contre la consommation de drogue, surtout la consommation d'héroïne, étant donné que c'est une drogue particulièrement dommageable. Un peu dure. Oui, un peu dure, exactement. Et donc, c'est une chanson qui est tirée de leur album, de l'album qui les a fait connaître, l'album Paranoid, qui est leur second album, paru en 1970, la même année que leur album homonyme. Paranoid, qui est définitivement mon album préféré du groupe. Moi aussi. Black Sabbath. Et c'est un grand classique aussi de l'histoire du rock. Puis ça présente une belle variété. On invente le métal avec des pièces comme Iron Man ou Paranoid, mais en même temps, on reste très planant et parfois même jazzy avec des pièces comme Planet Caravan ou justement End of Doom. Très progressif, presque comme oui. album. Oui, presque progressif comme concept tu dis. Progressif. Oui, avec une pochette qui est très bizarre, qui est très irrévérencieuse. Oui. Avec très bizarre. Très fluo. Moi, je trouve que ça ressemble un peu au Star Wars Kid. C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire de quoi de niaiseux ou de... On le sait pas. Ou ils voulaient faire de quoi de hot, puis ça... C'est ordinaire. C'est ordinaire, mais... Mais ça marche, c'est la pochette. C'est la pochette de Paranoid, on remet pas ça en question. Exactement, loin de là. Exactement. Et Paranoid, donc, est le, comme je le disais, le second album du groupe britannique Black Sabbath. Et la septième pièce... en fait, c'est celle qu'on vient d'entendre oui. ici, End of Doom. Je voulais pas... Non, c'est ça. Dans le fond, j'ai dit la septième. C'est la sixième. OK. La septième qui se trouve être Rat Salad. Donc, la sixième pièce de l'album End of Doom, qui est une pièce anti-héroïne. Et puis, bon, ben, pour ceux qui connaîtraient pas Black Sabbath par un hasard infructueux, c'est un groupe de heavy metal traditionnel britannique fondé en 1968 à Birmingham, au Royaume-Uni. Il est l'un des groupes fondateurs du metal et est souvent considéré comme le premier groupe du genre, c'est aussi mon avis. La formation originelle de Black Sabbath était composée de Tony Iommi à la guitare, Ozzy Osbourne au chant, Geezer Butler à la basse et Bill Ward à la batterie. Cependant, le groupe connut plusieurs remaniements avec un total de 21 anciens membres, parmi lesquels on peut citer le défunt Ronnie James Dio, Tony Martin, Ian Gillan, Cozy Powell et Glenn Hughes. Tommy Iommi est le seul membre à être présent depuis l'origine sans interruption. Inventeur du riff lourd et lugubre, parfaitement en phase avec son style sombre, le groupe doit beaucoup au jeu de guitare développé par Tony Iommi, dont trois doigts avaient été entamés lors d'un accident dans son précédent emploi d'ouvrier métallurgiste. D'ailleurs, je l'ai vu dans un documentaire, je savais pas avant qu'il manquait des doigts comme ça, puis je l'ai vu jouer de la guitare, et puis je trouvais ça très impressionnant, sa technique. On voit qu'il s'est pas laissé abattre lorsqu'il a perdu des membres, et puis Il venait Martin Deschamps dans ma tête. Oui, mais on s'entend que Martin Deschamps et Tony Iommi n'ont peut-être pas la même importance dans l'histoire du rock. Puis pauvre Martin Deschamps aussi, il est plus mal pris que l'autre, là, quand même. Quand même, et puis Martin Deschamps, j'aimerais ça le mentionner, il a une voix extraordinaire. J'aime, ouais, pas, puis, j'aime pas vraiment sa musique. Non, mais côté Redem, il tient la route. Oui, exactement. Il tient quand même la route. Surtout depuis qu'il y a sa moto pour paraplégique, là, ça tient mieux la route. Je voulais pas faire okay, de blague. Non plus. C'est trop facile. C'est trop facile. Vaut mieux pas rentrer là-dedans. Mais non, il y a une voix extraordinaire. Moi, je suis d'accord, j'ai pas le goût de rentrer dans Martin Deschamps, ça, c'est sûr.

C'est énorme. Un Mongol. Parle de 350 000 $ à peu près. Il aurait également offert de l'argent qu'il avait récolté auprès de ses paroissiens pour réparer le toit de l'église. Bravo. L'évêché du Gard informé s'est engagé à rembourser les donateurs. Le prêtre a été laissé donc en liberté. Très affecté, il ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire, mais déclare que malgré tous ses tourments, sa foi était toujours intacte. Ben oui, hein? Aye. Sa foi en quoi? Oh my God, j'aime mieux pas partir. Tu sais, quand je débouche une canne sur l'église, Danny, hey, ça a pas de sens. C'est là. Pas beau. Fait que je vais me retenir, puis on va passer à quelque chose qui a un peu plus de bon sens. C'est vraiment minable. En tout cas, donnez-y deux, trois tapes ses fesses, là, ça va être réglé. On il va aimer ça, il va jouir si tu lui donnes des tapes ses bon, fesses. Bon, mais peut-être que justement, ça va le... Bon, hey. C'est atroce. On finit ça, là. Ça suffit. OK. OK, ben on va aller tout de suite, justement, relaxer avec notre fumeur romantique préféré, qui nul autre que Gilles Jogging. En chair et en jogging. Et puis, c'est drôle, hein, parce qu'on est allé en Belgique, peut-être dans les années 2008. Je pense que c'était 2008. Environ, on est allé. Oui. Et puis, maintenant, là, tu checkeras ça sur le campus, la mode du jogging est survenue à ses lettres. Est-ce que tu penses que c'est à cause de Gilles Jogging? Ben, en tout cas, il était dans le ton. C'est pas de sa faute, mais il était vraiment mais dans l'air du temps. Il était avant-gardiste même. Exactement. Tu vois ça, plein de belles filles, plein de... qui arrivent à l'université avec les grosses culottes de jogging. En tout cas... Ben, je veux dire, c'est leur choix. Ben non, mais je ne juge pas ça. Mais ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup, beaucoup changé. À l'époque, t'aurais dit une fille, elle va être en jogging. Même les gars avaient peur de se mettre des joggings. Là, oui, à une certaine époque. Mais je pense que le coton ouaté, le jogging, il y a quelque chose par rapport à ça. Très comfort, hein? Oui, c'est très comfort. Puis je veux dire, moi, les premiers que j'ai portés, ils étaient fluo. Ben, noir, naturellement. Avec des lignes fluo, avec des genres de motifs, là, je sais pas trop. C'était à l'effigie, probablement, d'une équipe d'une de Bigfoot. D'une marque ou quelque chose. Une équipe de Bigfoot. Sur ce, ben, profitez de vos joggings. Puis ben, profitez-en. On va aller écouter justement notre ami Gilles Jogging, mascotte du jogging. Mon dealer, il a toujours ce qu'il faut pour moi. De jour comme de nuit, je l'appelle à n'importe quelle heure. Mon dealer, c'est un mec sympa. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. J'arrive. Quand je commence à plus dormir la nuit, que j'ai des sueurs, que je panique, que je tourne en rond, que j'ai cherché partout 20 fois dans les mêmes endroits et même sous les meubles, ah, c'est bon. Sûr, j'en ai plus. Alors je prends mon téléphone et j'entends sa voix douce et rauque et d'un air honteux et timide. Je lui propose que l'on se voit, mais j'ai l'espoir. Même si je ne connais pas son vrai prénom, j'ai confiance en lui, en espérant qu'il aura un peu de temps à m'accorder. C'est possible dans une heure. Mon dealer, il a toujours ce qu'il faut pour moi. De jour comme de nuit, je l'appelle à n'importe quelle heure. Tu as quoi ? Mon dealer, c'est un mec sympa. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. J'arrive. Alors parfois je lui fais des infidélités. J'ai tort, je sais. Je vais voir ailleurs, mais souvent je suis déçu. C'est trop petit ou trop léger. J'ai l'impression de m'être fait voler. Ouais. Encore un plan galère, mais l'essentiel c'est de m'être approvisionné. Mais je prends beaucoup de risques pour ce petit vice. Et je me dis que si j'avais un penchant pour l'alcool et qu'au lieu d'être un fumeur romantique, je pourrais acheter ma drogue dure en liberté dans mon hypermarché, chez Auchan ou Leclerc. Mon dealer, il a toujours ce qu'il faut pour moi. De jour comme de nuit, je l'appelle à n'importe quelle heure. Tu as quoi ? Mon dealer, c'est un mec sympa. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. J'arrive. Et le soir, hyper stressé par ma routine, en roulant, je me dis que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Mon dealer, il a toujours ce qu'il faut pour moi. De jour comme de nuit, je l'appelle à n'importe quelle heure. Tu veux mon quoi? Dealer, c'est un mec sympa. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. J'arrive. Mon dealer, mais qu'est-ce que je ferais? Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Tout à fait. Bon, veux-tu d'autres? Non. Bon.

Puis, je sais que dans le temps, en fait, la grosse mode, c'était vraiment les Lido. Ouais, c'est ça. Et puis là, ça a comme disparu. Ouais, on n'entend plus vraiment parler des Lido. Non. On n'en voit pas à vendre. Il n'y a rien. C'était peut-être plus d'entretien. Je sais pas. Je connais pas ça. Je connaissais quelqu'un qui avait un Lido. Moi aussi, je connaissais un gars qui avait ça. Puis... Je l'ai déjà utilisé. J'ai pas particulièrement aimé ça. Ça bouge trop. Ouais, ça bouge. Moi, je suis très, très stable et statique dans mon sommeil. Ouais, enfin, moi aussi. Je bouge beaucoup, mais justement, je bouge beaucoup, donc j'ai pas besoin de choses qui bougent autour de moi pour me déranger dans le processus. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On va commencer par un vin français, le Château Montoriol Prestige Fronton, une appellation d'origine contrôlée. Il est composé de négrette à 55%, de cabernet franc à 20%, de syrah à 20%, et ça compose cette superbe cuvée issue des meilleures parcelles du domaine. Les vignes sont âgées de 30 à 48 ans et il y a un séjour de 12 mois en barrique de chêne français qui précède la mise en bouteille de ce coup de cœur de la revue des vins de France. Donc, sa couleur et de rubis foncé. Il s'ouvre sur de subtiles notes épicées, fruitées et de pâtisserie. Sa très grande fraîcheur est appuyée par des tanins soyeux et des saveurs de myrtille, de violette et d'olive noire. Donc, on le propose, ce Château Montriol 2007. On propose de le manger avec olive noire, lapin braisé au romarin. Donc, ça peut être que très, très bon. Sinon, je vous envoie un autre français. Parce qu'il y en a de tous les pays du monde. On va changer de pays pour le fun. On va aller, je sais que les gens aiment bien les pays du Nouveau Monde. Donc, cette fois-ci, on va aller vers l'Australie. Donc, un Gumtree Vineyard Bloodstone, un Syrah à $19.85. Donc, c'est une bonne pluviosité et un climat tempéré donc de cette région de bord de mer qui fournissent à ce Syrah les éléments dont il a besoin pour s'épanouir. On retrouve donc en bouteille toute la concentration et l'exubérance auquel on s'attend d'une excellente cuvée Syrah australienne. Donc, la couleur est violette, eucalyptus, bois brûlé, odeur de vanille, confiture de petits fruits noirs, goudron noir, qui font partie de la palette aromatique de ce vin à la robe cerise sombre. Il dévoile des tanins charnus et une bouche grasse qui se prolonge dans une finale persistante. On le propose de le manger avec une côte de veau en sauce au fromage bleu, une caille en sauce ou une caille en sauce au porto. Mais ça donne-tu faim, ça? Hein? Je vous donne faim, exactement. C'est le bon moment que j'ai choisi pour vous parler de ça. Et puis sinon, on va aller maintenant, un Américain, le Greg Norman Paso Robles. Donc, un autre Syrah. Celui-ci, c'est le plus cher, je pense, de la série. On disait qu'on était en bas de 20$. Celui-là, se détaille à 20$ et 20 sous. Il s'appelle le Shark, donc qui rejoint la grande liste. Qui rejoint une grande liste des célébrités qui s'impliquent dans le monde du vin. Légendaire golfeur australien. Ok, le Shark, c'est un golfeur australien, donc qui propose un Syrah californien joufflu et aguicheur. Donc, ce cépage à découvrir descend de la Syrah, mais offre une palette aromatique bien à lui. Donc, il est sous des reflets rubis sombres, profite des effluves de myrtille, de vanille, de bois et de pâtisserie en rétro-olfaction, donc avec un petit peu de temps. Il s'affirme par des saveurs de bois, de vanille et de confiture de petits fruits noirs. On conseille le Greg Norman Paso Robles Syrah avec un magret de canard sauce aux fruits sauvages ou un ragoût de bœuf braisé, ragoût de bœuf à la bière. Donc, ça donne assez faim. Et puis, je vais y aller. J'en ai choisi un le moins cher. Ce sont tous des vins en bas de 20$. Quand même assez intéressant. Et puis, je vous propose celui-ci. Il nous vient d'Afrique du Sud. Il s'appelle le Guardian Peak 2009. C'est un Cabernet Sauvignon, Syrah et Merlot. C'est encore, cette fois-ci, un célèbre golfeur sud-africain, Ernie Els, qui s'est associé en 2005 au domaine Rost de Vredé pour produire cet assemblage plus accessible que les cuvées plus ambitieuses du Guardian Peak habituel. Ce vin se démarque toutefois par un caractère bien affirmé. C'est un vin rouge violacé au bouquet marqué par des notes de noyaux de prune, tabac et fumée. Il démontre une bonne acidité et est doté d'un tanin charnu dans l'ensemble à la belle amplitude. On le conseille avec des saucisses grillées, viande fumée, pizza. Donc, je pense que ça peut être un très, très bon...